sixième partie et fin du convoi de l'eau qui s'est déroulé cet été, quoi. Et ben là, on termine à Blois. Le convoi de l'eau ne se terminait pas à Blois. Lui, il se terminait à Paris. Mais moi, j'ai pas été jusque-là. Et à Blois, ben, on en profite pour vraiment parler de l'alimentation socialisée. C'est quoi ce bazar? Et Romain de la Confédération Paysanne nous explique tout ça. On prend le temps, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez écouter le convoi de l'eau, il faut aller en arrière pour comprendre tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas la fin, mais c'était facile à voir parce que le convoi de l'eau, vous savez, avec les outils technologiques, on peut suivre l'affaire même en étant dans son fauteuil. Micro ouvert. Go. On continue ce convoi et alors on est à Blois. À Blois. Chaque fois, je bug là-dessus. Blois. Et on a en face de la Loire. C'est assez joli encore, hein? Bah ouais. Alors là, la Loire, elle est quand même pas très haute. On voit là devant nous des algues vertes, qui veut dire que il y a quand même la matière organique beaucoup qui arrive dans l'eau. Et puis là, devant nous, il y a des jolies petites fleurs jaunes. Et ça, c'est la justice. C'est une plante invasive qui est arrivée, et qui participe à l'atrophisation de la Loire, c'est-à-dire qu'il y a moins d'oxygène. Mmh. Bonne nouvelle, tout ça. Bah voilà, l'état de la Loire n'est pas au top. Alors ça peut paraître joli comme ça, enfin les algues là non moyen, mais voilà ces petites fleurs jaunes là, bah voilà, ça fait partie des espèces qui sont pas, enfin des espèces qu'on appelle exogènes et donc qui sont arrivées, qui se développent fortement et voilà. Bah donc toi, on va te rencontrer parce que tu peux bien nous parler. Bah présente-toi peut-être. Voilà, tu vas nous parler de l'alimentation socialisée. Voilà, c'est l'atelier paysan. Moi, je l'ai lu dans le bouquin. C'est clair, c'est bien expliqué. Après, voilà, je ne sais pas d'où, qui a planché. J'imagine qu'il y a plein de personnes autour de la table, quoi. Ben, donc, pour me présenter, moi, je suis Romain Henry, donc je suis apiculteur en Indre-et-Loire, du côté de Richelieu. Bon, ça ne dira pas forcément comme ça, mais Chinon. Chinon, c'est connu pour son vin, et c'est un peu au sud de Chinon. C'est où sur la carte de France, pour les gens qui n'y connaissent vraiment rien, ouais. Donc l'Indre-et-Loire, c'est la Touraine, c'est les châteaux de la Loire. Donc on connaît les châteaux de la Loire, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Tours, Amboise, Tours. Chinon, la forteresse royale de Chinon. Et donc la vallée de la Loire, de ce côté-là, c'est beaucoup un territoire de vin, de vignes. Et donc Chinon, souvent, c'est connu pour son vin et pour sa forteresse où Jeanne d'Arc a eu une histoire avec cette forteresse. Donc nous, on est encore un peu plus au sud, c'est la ville de Richelieu. La ville du cardinal de Richelieu, et c'est une ville qui a pris le nom du cardinal et qui a été construite à cette époque. Donc on est vraiment en la France rurale et vraiment à la périphérie, la dernière périphérie des châteaux de la Loire. Après, on est sur la Vienne et si on va un peu plus à l'ouest, on va arriver vraiment pas au bord de la mer tout de suite, mais on va se rapprocher de la mer. Et la Touraine, voilà, c'est les bords de Loire, de la Vienne, de l'Indre et du Cher. Wow, toutes ces rivières, hein, qui traversent, hey, et qui se jettent dans la Loire, dans notre département. On a un joli portrait là. Hein. Voilà. Allez, go, alors, pour commencer, par où on commencerait? Alors, déjà, par dire que le nom, c'est pas l'alimentation socialisée, mais je comprends ce que tu veux oui, dire. Mais je l'ai pas bien en tête. Hein. Mais c'est une bonne manière de le dire, puisque le terme important, c'est vraiment cette question de la socialisation. Et nous, on parle de sécurité sociale de l'alimentation parce que ça fait référence à ce concept de la sécurité sociale qu'on a en France. Je pense un peu en Belgique, je ne connais pas hyper bien la Belgique. Et surtout, la référence, c'est à l'unification de tous les régimes, dans un régime général qui a été fait après la guerre par un gouvernement communiste qui n'est pas resté longtemps au pouvoir, de 45 à 46, 18 mois. Et en 18 mois, ce gouvernement, dans une époque assez particulière, a en termes de ce qu'on appelle de conquête sociale, a apporté la conquête sociale majeure en France, qui s'appelle la sécurité sociale, à travers l'unification de tout ce qui existait déjà avant en termes de sécurité sociale, mais dans un régime général. Et donc, quand on parle de sécurité sociale de l'alimentation, on fait référence à ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors après, je ne sais pas si en une demi-heure, on va pouvoir tout développer. Je vais essayer d'aborder un peu c'est quoi les grosses lignes. Mais vraiment, il faut comprendre que ça fait référence à ça. Parce que souvent, on parle de sécurité sociale à l'instant, à ce moment-là, là, 2023, même 2000. Mais en fait, elle n'a plus rien à voir avec, dans ses bases et dans ses fondations, qui ont été celles de 1946, au moment où l'unification dans le régime général s'est faite. Nous, pour nous, l'idée de... Quand tu dis alors, nous, c'est coup, qui ? Alors nous, voilà, c'est ça que j'allais préciser. Donc, vous avez compris, je suis apiculteur, mais je suis aussi à la Confédération Paysanne, qui est un syndicat agricole, on va dire, représentatif en France. Et donc, je suis un des porte-parole. On est trois co-porte-parole en Indre-et-Loire. Et donc, moi, à la Confédération Paysanne, on va dire, dans l'organisation nationale, mais évidemment départementale, je m'occupe plus précisément... Enfin, je suis une des personnes qui s'occupe plus précisément de cette question de la sécurité sociale et de l'apport que nous, en tant que syndicat agricole, on peut faire dedans. Parce qu'en fait, cette proposition... Elle est sur la table en France depuis globalement 2019, c'était les prémices. Et en fait, c'est tout un certain nombre de personnes qui s'approprient. Et on a un collectif national qui regroupe diverses institutions, associations, syndicats, qui travaillent au sein de ce collectif à qu'est-ce que pourrait être la sécurité sociale de l'alimentation. Donc nous, on est une composante paysanne, au même titre que l'atelier paysan que tu as cité, mais l'atelier paysan, c'est une association. Nous, on est vraiment un syndicat. C'est-à-dire que nous, on participe aux élections professionnelles pour les chambres d'agriculture et on représente 20% des voix des agriculteurs en France, donc on préfère dire paysannes et paysans. Mais voilà. Et après, évidemment, nous, on a un syndicat d'opposition puisqu'on ne gagne pas les élections. Et les élections chez nous sont gagnées par le syndicat qui s'appelle la FNSEA et qui, avec les gouvernements successifs, finalement, à travers un système co-gestionnaire, mettent en place des politiques agricoles qui, nous, ne nous conviennent pas du tout. Et pour nous, justement, la question de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est changer le paradigme en termes de politique agricole pour ne plus centrer les politiques agricoles uniquement sur la question de la production, mais l'élargir bien plus loin sur la question de l'alimentation et de tout le système alimentaire. Et ça, c'est un enjeu de renversement, mais qui n'est pas que idéologique, qui est aussi en termes d'organisation et du coup de finalement de démocratie, parce que quand on restreint les politiques agricoles que aux politiques de production, ça veut dire, et c'est ce que souhaite la FNSEA d'ailleurs, c'est de dire vous occupez pas de ça, c'est notre précaré, la production, la question agricole et au final d'une certaine manière la question alimentaire, puisque la production c'est la base. C'est pas votre problème, circuler, il n'y a rien à voir, nous on s'en occupe. Nous on dit, ben non, justement, non. Mais quand tu dis, nous on s'en occupe, ça veut dire quoi, nous on s'en occupe? Si tu peux un peu préciser, pas rentrer dans tout le bazar, mais comme ça on comprend de quoi on parle. Eh bien, c'est-à-dire que toutes les décisions qui vont finalement, les décisions, on va dire, de politique, quand je veux dire politique, c'est la mise en place d'une politique, alors là, agricole, par normalement un État. Mais en fait, quand tu parles de co-gestion, c'est-à-dire que c'est le syndicalisme majoritaire qui représente quasiment 50-55% des voix exprimées. Quand on parle de co-gestion, ça veut dire que quasiment c'est la FNSEA qui donne la feuille de route à tous les gouvernements, que ce soit de gauche ou de droite, depuis 40-50 ans, enfin même plus que ça. Et donc, finalement... je ne sais pas si ça peut répondre à ta question. Mais qui donne la feuille de route pour créer un système où c'est la chimie qui doit être utilisée. C'est, tu vois, c'est ça d'un peu décrire ce système de bouffe dégueulasse, d'industrie. Après, je ne sais pas s'il faut le définir parce que tous ceux qui nous écoutent, ils savent bien où on en est. Quoi. Ces éléments de constat-là, ils sont qu'effectivement... On est dans une industrialisation de l'agriculture de plus en plus forte, avec un vaste plan social, c'est-à-dire il n'y a plus du tout de paysans. On est passé d'une société paysanne il y a encore 50-60 ans à quasiment plus de paysans. Donc forcément qui... Et leur autonomie aussi, quoi. Enfin, tu vois, ouais, mais je vais pas... Enfin, après, si on veut parler de la sécu, il faut peut-être garder un peu de temps. Mais du coup, effectivement, pour résumer, un système... agro-industriel qui mise sur la chimie, sur des fermes de plus en plus grandes, sur maintenant de plus en plus de robotique, de numérique et finalement de génétique, tout ça pour intensifier la production. sans prendre en compte des intérêts qui sont à la fois sociaux et à la fois environnementaux. Et donc quand on veut dire sociaux, ben, ça veut dire quel est par exemple le droit à l'alimentation, est-ce qu'il est respecté, c'est-à-dire que est-ce que chacun a vraiment la possibilité de s'alimenter d'une manière choisie, ça c'est plus ou moins la définition du droit à l'alimentation, il n'est pas respecté. Donc ce qui va être argumenté, c'est il y a assez à manger pour tout le monde en termes de calories, oui, mais en termes de qualité, en termes de répartition et tout, enfin, il y a vraiment des grosses inégalités. Donc, en termes de santé aussi, on bouffe vraiment des trucs dégueulasses qui nous rendent malades. Voilà, donc bon, voilà, le constat, il est à peu près dressé, quoi. Et puis évidemment, sur la question de l'environnement, moi, j'ai envie de le résumer, enfin, de toute façon, je le fais à chaque fois comme ça, sans rentrer dans le détail, au-delà de la question pesticides, etc., c'est que globalement, l'agriculture, de la production, de la transformation et de la distribution, c'est-à-dire tous les transports aussi, enfin, toute la prise en compte de toute la chaîne, c'est plus d'un tiers des émissions de carbone. Donc on sait qu'on doit diminuer. Donc si ce secteur-là ne change pas, bon, c'est un tiers qui ne va pas changer, voire même qui augmente. Donc voilà, la remise en cause de ce système-là qui a été mis en place depuis des décennies en co-gestion avec ce syndicat majoritaire et l'État, eh bien, quelles sont les modalités d'imaginer un autre moyen de fonctionner, donc une autre politique agricole. Et donc nous, on pense que c'est du coup pas une politique agricole qu'il faut, c'est une politique alimentaire. Et c'est pour ça qu'on parle de sécurité sociale, de l'alimentation, pour bien prendre en compte la question de la production, de la transformation, c'est-à-dire la question qui a forcément, telle que la société est organisée, de la transformation, voire même de l'industrie qui soit au milieu. Mais par contre, de l'industrie, c'est-à-dire qui est le donneur d'ordre, qui décide dans le cadre de l'industrie, selon quels intérêts. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit l'intérêt des mangeurs et pas des industriels et des financiers qui sont derrière. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, c'est la distribution. Parce que quand on est organisé à 80-90% en population urbaine, il est bien évident qu'il faut une massification de mise sur le marché pour correspondre à la société dans laquelle on est. Si tout le monde était en campagne avec des villes de 1000 habitants, là, la question du circuit court, etc., on pourrait raisonnablement penser que c'est possible. Là, aujourd'hui, en l'état de la société et des fonctionnements, on ne peut pas raisonnablement se dire que l'intermédiaire entre la distribution et la production, il soit inexistant. Non, il en faut encore un. Donc, dans la sécurité sociale et l'alimentation, on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'industrie. Mais par contre, on dit, ben, à partir du moment où il y a une industrie, c'est qui décide et comment sont traités les travailleurs à l'intérieur, etc. Donc, évidemment, ça ne doit pas être aux mains de la finance avec des actionnaires qui n'ont que pour intérêt le court terme. Et voilà. Parce que pour finir sur la question, c'est vraiment dans cette définition de la production, la transformation et la distribution, de voir l'ensemble du système alimentaire. C'est juste une petite question par rapport... Oui, donc, on continue l'industrie. C'est sûr que demain, on change le processus là qui est en cours. Ça risque de faire mal. Mais je veux dire, l'industrie, tu dis, oui, on défend les travailleurs et on veut qu'ils soient bien rémunérés, par exemple, qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. OK, ça, c'est le bon c'est l'exemple. Mais l'industrie, elle continue à produire de la merde. Enfin, tu vois, là, c'est pas très clair, ça. L'industrie, on sait qu'une usine, c'est dégueulasse. Ça crée des Tu comprends, ma... Je suis pas d'accord avec ça. Pas forcément. Il faudrait que tu me décris une usine convenable qui ne crée pas de merde dans l'eau, par exemple. Enfin, tu vois, comment c'est possible, ça? Une usine, elle fonctionne en répondant à des normes de production. Et qui fixe ces normes? Qui arbitre? Et souvent, ces normes, elles sont contraintes dans des externalités, on va dire. Donc, c'est-à-dire des pollutions, comme tu dis, qui ne sont pas prises en charge dans le processus de production, qui sont ce qu'on appelle externalisées et souvent qui sont à la charge, finalement, du contribuable. Mais ça, c'est une question de normes et de respect de normes. Et souvent, sur un alignement normatif en raison de la première des préoccupations qui s'appelle la compétitivité dans un système libéral où il faut toujours produire à moins cher et donc on va de plus en plus trouver des moyens d'artificialiser le fait qu'on produit à moins cher et on va créer des externalités, donc des pollutions, etc. etc. Et en fait, une industrie, elle peut fonctionner sans ça. Il y a des collectifs, des coopératives qui fonctionnent pas comme ça, mais qui du coup intègrent la question du coût, puisque pour produire, on va dire, propre, Bah, c'est un coût, c'est le travail humain, c'est le travail de recyclage, c'est le travail d'intrants qui soient plus maîtrisés et pas... Il y a une poubelle, on l'accélère et on jette, quoi. Et on s'occupe pas du recyclage, c'est pas à notre charge, c'est les externalités. Bon, bah, il y a des entreprises qui fonctionnent comme ça, et donc, par contre, qui assument le coût, mais qui sont obligées de le répercuter sur le prix fini. Donc, ont une alimentation et un produit qui sort, qui est plus cher. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'externalisation des coûts qui seraient pris en charge par la collectivité. Et que là, c'est directement dans le cadre de l'industrie, qu'elle soit coopérative ou pas. Et le problème derrière, et je vais y venir, justement, c'est quoi la sécurité sociale de l'alimentation ? C'est que du coup, si on veut une alimentation de qualité, je t'ai défini là que des industries peuvent faire une alimentation de qualité, mais elle va être plus chère. Il faut bien le comprendre, oui, ça. Oui, mais ok, après, c'est sûr qu'on est là pour parler de la socialisation, mais ça en fait partie. Mais donne-nous un exemple d'industrie où tu te dis, où on produirait quelque chose de bon à manger industriellement. Tu vois, pour moi, ça ne va pas ensemble. Je crois qu'en fait, il y a peut-être une mésentente, une industrie. Pour moi, ça ne va pas ensemble. La bonne bouffe et l'industrie. Ben, parce que, en fait, je pense que on est dans le constat qu'il y a une dérive et qu'il y a des travers. Mais une industrie, c'est juste, en fait, la capacité à plus grande échelle que l'artisanal de gérer les choses. Et je sais pas comment dire, après on peut peut-être en discuter des heures, mais que je veux dire, quand t'as des endroits comme Paris avec 10 millions d'habitants, si t'as pas une massification de mise en marché, c'est ce qu'on appelle une massification, c'est-à-dire des intermédiaires qui sont capables à partir de la production de concentrer une mise en marché, c'est-à-dire une disponibilité. Ben, en fait, la société, elle est organisée comme ça aujourd'hui, quoi. Après, ces industries ou ces systèmes artisanaux beaucoup plus capables de produire plus. Et tu penses à quoi, par exemple ? Ah ben, je sais pas. Moi, Un truc concret. Du lait, je veux dire, si tu as chaque ferme qui commence à faire ses yaourts, ça peut marcher, mais ça ne va pas forcément fonctionner. Par exemple, tu vois, il y a quelque chose qui s'appelle le comté. Aujourd'hui, c'est une référence... l'organisation dans le Jura des producteurs. Et d'ailleurs, notre ancien porte-parole, Nicolas Giraud, en faisait partie. Il n'est pas en bio. Il fait partie de fruitières, qu'on appelle, qui sont vraiment des sortes de coopératives qui collectent chez des producteurs le lait, qui ont un fonctionnement en termes de décision, finalement, de démocratique qui est vraiment coopératif. C'est-à-dire, c'est les producteurs... Enfin, bon, il y a tout un ensemble de décisions qui sont vraiment partagées et qui ne sont pas appropriées par, on va dire, l'industriel qui serait derrière, puisque en fait, il n'y a pas des actionnaires financiers. Oui, mais ça, je comprends bien. Hein. Bah, je comprends bien qu'on mettrait des gens bien, entre guillemets. Bah, ok, je suis prête à entendre. C'est une industrie, parce que derrière les apporteurs de lait, c'est pas eux qui vont commercialiser leur lait, le transformer, etc. Il y aura une délégation où ça va avoir un outil industriel qui va massifier la question de la transformation et ensuite massifier la possibilité de la distribution. Et si chaque producteur avait à faire ça sur sa ferme, ça serait pas du tout pareil. Et donc là, on est dans le cadre d'une industrie, en fait, qu'on l'appelle coopérative ou pas. La question de la coopérative, c'est qui prend la décision. Souvent, quand on voit l'industrie, on voit la dérive en termes de pollution, mais aussi en termes de, finalement, l'industrie, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a un patron, et un patron pas comme un paysan qui a les pieds et les mains dans la terre, mais qui répond à des logiques financières. Oui, mais là, on est d'accord. Donc, tu vois que ça sert à quelque chose de redéfinir les termes. Pour nous, la question de l'industrie, peut y avoir un autre mécanisme de massification de la transformation et de la distribution, mais dans des logiques démocratiques qui ne correspondent pas à celles qui sont mises aujourd'hui, qui sont effectives, qui sont celles de patrons, qui sont des donneurs d'ordre, qui répondent à des objectifs financiers et qui ne sont pas là pour répondre à, donc finalement, une norme financière dans la compétitivité et qui ne sont là pas pour correspondre à une norme de qualité de produit et finalement, d'une certaine forme, de répondre à des besoins des usagers. Mais je suis désolé de dire que dans la production de soins en France, qui correspond au service public, il y a une industrie du soin. Parce que, en fait, c'est pas chacun chez lui qui fait le soin. Il y a des hôpitaux. Elle pose plein de questions, justement. Il y a des hôpitaux. Ces hôpitaux, ce sont des industries de soins. Bien sûr. Donc, tu vois, l'industrie, il faut faire attention. Non, mais moi, je n'ai jamais dit... Attends, entendons-nous bien. Je vais te laisser finir, mais pour moi, l'hôpital, les hôpitaux pensent... ça pose plein de questions aussi en termes de soins. Il n'y a pas que moi qui le dis, tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que quand on parle d'industrie à grande échelle, ben, c'est Illich, hein, Ivan Illich, qui dénonçait déjà en son temps tous ces trucs-là. Dès que ça devient à grande échelle, l'école aussi, dès que ça devient... Enfin, voilà, après... Mais je crois qu'il ne faut pas faire une confusion entre l'industrie, une échelle insupportable. Il peut y avoir des échelles moyennes, et nous, on définit la question de l'industrie, et peut-être, si tu veux, on peut trouver un autre terme, mais on ne peut pas avoir des micro-sites qui, aujourd'hui, correspondent aux besoins de fournir une société organisée en ville. Et moi, j'aimerais qu'il y ait pas que, que les villes soient moins grosses. Je suis un campagnard. Moi, chez moi, mon bled, il y a 300 habitants. Alors, je ne dis pas qu'il doit y avoir que des bleds de 300 habitants, parce que derrière, il y a une notion de service public, etc. Il faut organiser tout ça. Mais bon, voilà. Enfin, je crois qu'il faut quand même, à chaque fois, essayer d'amener... Les choses ne sont pas ou noires ou blancs. Et voilà, il faut... Nous, on essaye de dire que... Et peut-être, un autre terme te conviendrait. Donc quelque chose qui soit plus proche des coopératives, mais là aussi aujourd'hui on parle de coopératives dans l'agriculture qui n'ont plus rien de coopératives, qui sont devenues des gigantesques industries, des gigantesques outils industriels et des outils industriels qui ne sont plus dans les mains des producteurs, qui sont dans les mains de groupes financiers. Et donc elle est là la dérive. À partir du moment où l'outil industriel il reste en termes de démocratie dans l'entreprise, dans des coopérateurs et des finalement ça peut être aussi des associés mais pas des groupes financiers. Voilà, elle est là la dérive. Alors du coup, ce que je voulais dire et que j'avais commencé à aborder sur la question du coût, c'est que en fait il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier besoin de l'homme, c'est se nourrir. Donc les budgets des ménages dédiés à se nourrir, ils n'ont fait que décroître. Pourquoi ? On a voulu effectivement intensifier pour faire diminuer les coûts. Je t'ai parlé d'artificialisation, etc. Donc on a organisé tout ça pour finalement rendre solvable d'autres marchés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand les budgets des ménages, à une époque, et ce n'est pas forcément souhaitable, ils prenaient 60-70% de leur budget pour se nourrir. Je ne dis pas que c'est souhaitable. N'empêche qu'ils n'avaient que 30-40% pour le reste. Là, maintenant, le budget des ménages dans l'alimentation, il est aux alentours de 10%, entre 8 à 12, 15% en fonction de l'importance qu'on y accorde. Bon, ben, ça veut dire que dans le budget des ménages, il y a globalement 90% qui peuvent être utilisés dans d'autres secteurs. L'automobile, le logement, l'énergie, les communications, les loisirs, etc. Et on voit qu'une société, on va dire, marchande, qui marchandise des biens et des services, elle a besoin d'une solvabilisation. Et donc, l'agriculture... Depuis, à partir du moment où on a reconstitué les forces productives et la capacité de production d'après-guerre, donc ça allait très très vite, hein. Déjà dans les années 50, c'était fini, il n'y avait plus de problème. On a absolument tout fait en termes de politique pour que la production d'alimentation coûte de moins en moins cher, pour que les ménages puissent rendre disponibles pour cette société de biens et services qui explosait, la société de consommation, pour solvabiliser d'autres marchés. Et donc nous, la production agricole, mais pas que, la distribution et la transformation, les travailleurs qui sont dedans, pas ceux à qui appartiennent les industriels qui sont des financiers, etc., on est devenu la variable d'ajustement de politique économique et sociale. Et en fait, ça, faut bien le comprendre. Ce qui nous amène, nous, et on a mis longtemps à le comprendre, on a mis très très longtemps à le comprendre, parce que nous, à la Confédération Paysanne, on dit « Mais non, mais c'est pas grave, on va faire du bio, des marchés courts, etc. » Et on s'est toujours dit « On peut créer de l'alternative comme ça. » Mais en fait, il est forcé de constater, je ne vais pas développer tous les tenants et aboutissants de pourquoi on en est arrivé à ce constat, mais c'est ces constats qui nous ont amenés en 2019 à nous pencher sur cette question de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est que cette niche, ce marché de niche, ne pouvait pas, dans le contexte, être plus qu'un marché de niche et devenir le système majoritaire. Et même ce marché de niche cautionne le système conventionnel. Parce que, en fait, c'est les ministres, c'est tout le monde qui nous dit « Mais regardez, on est dans une démocratie du porte-monnaie, les gens ont le choix. » Oui, mais les gens ont le choix comment ? Ils arbitrent dans un budget, en fait. Et si on crée des besoins, des nécessités de besoins, qu'on rend captifs les gens, aujourd'hui, le logement en France, c'est une spéculation de dingue. Je veux dire, quand tu as ton loyer à la fin du mois, tu n'as pas le choix. Bon, bah, par contre, quand tu vas faire tes courses, tu as le choix. Donc, tu prends au moins cher parce que tu n'arrives pas à payer le reste, parce que l'énergie, elle a augmenté, ta facture de gaz, de je ne sais pas quoi. Et donc là, on est coincé là-dedans. Et donc, nous, on est même une caution, finalement, en disant, mais les gens ont le choix. Mais les gens ont le choix dans quelle logique. On culpabilise, quoi. On responsabilise, on culpabilise. Il n'y a pas de politique. Voilà, quoi. Mais on est dans le système. Il n'y a plus de politique. On est dans le système libéral qui dit c'est l'individu qui choisit. Il n'y a plus de collectif. Il n'y a plus de politique au sens collectif. Et donc, les gens, ils ont le choix. Ce qu'ils mettent dans leur caddie, c'est eux qui décident. Non, parce que quand tu as un budget que tu ne maîtrises pas, tu n'as pas le choix, en fait. Et donc, c'est ça la difficulté. C'est que tout a été créé pour que l'arbitrage économique des ménages se fasse sur l'alimentation, qu'il y ait des marges de manœuvre. Donc, que ça soit de moins en moins cher. Et donc, quand on paye pas, parce que le travail a un coût, la qualité a un coût, mais si on n'y donne pas le prix pour ça, il n'y a pas de qualité, en fait. C'est pas possible. Et la qualité, ça consiste aussi à payer des travailleurs pour ça, quoi. Je veux dire, nous, en France et certainement dans le monde, la moitié des paysannes et des paysans en France, ils gagnent moins de 500 euros pour, chez nous, c'est les 35 heures, voire 40 heures avec, ça dépend. Mais nous, on fait beaucoup plus d'heures que ça et on n'a même pas, en moyenne, 500 euros par mois en étant endetté, mais à vie, en n'ayant pas de vacances. Donc, voilà, le coût de notre travail, il n'est pas, la valorisation sociale de notre travail, elle n'est pas prise en compte à la hauteur. Donc, forcément, on ne peut pas avoir un modèle derrière qui fasse de la qualité. Donc nous, ça nous amène à cette logique de dire nous devons sanctuariser un budget pour l'alimentation. On doit le faire. Et ça veut dire quoi, sanctuariser ? C'est-à-dire qu'on doit dire... Préparer un budget ? Voilà, un budget à la hauteur. C'est-à-dire que en fait, on rende un marché solvable et pas uniquement par la capacité individuelle. Et c'est là que c'est la question de la socialisation, tu as dit, la socialisation de l'alimentation, mais la socialisation aussi par la question du coût, du prix à payer. Et si on ne sanctuarise pas un budget nécessaire pour payer cette qualité, il n'y aura jamais de qualité. Et donc ça, c'est la question de la socialisation à travers, du coup, en s'appuyant sur ce qui a existé, enfin sur ce qui existe encore, mais qui a été détricoté complètement dans le cadre du régime général de santé, c'est de mettre en place une cotisation qui n'est pas de l'impôt. La cotisation, c'est sur la valeur ajoutée. Après, on va rentrer dans les termes comptables. Mais en gros, n'importe qui crée de la valeur, sur cette valeur ajoutée, il paye une cotisation. Ça n'a rien à voir avec le revenu des individus, ensuite, et de l'imposition. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, cette cotisation, il s'agirait d'en créer une nouvelle pour financer cette sécurité sociale de l'alimentation qui consisterait en France, nous, notre système de santé, et on a une carte vitale. Et quand on va chez le médecin, on présente notre carte vitale et on est pris en charge pour des soins qui sont conventionnés. Pas pour tout, pour des trucs superflus, on ne l'est pas. On paye de notre poche, mais pour des trucs, on va dire, pour être très rapide, des trucs essentiels à la santé. Quand on sort la carte vitale, on est pris en charge. De moins en moins, mais on est pris en charge. Et le financement de ça, c'est la cotisation. C'est que chacun, quand il travaille, il va avoir une cotisation. En France, on parle de quand on a 1600, et je sais qu'en Belgique, vous parlez de salaire poche. Donc en France, quand on a un salaire poche de 1600 euros, on a quasiment 1400 euros qu'on ne met pas dans notre poche, qui s'appelle le salaire poche, qui sont des prélèvements sociaux, qui sont de différentes cotisations pour financer nos droits et nos prestations sociales. De santé, de vieillesse, d'assurance maladie, allocation familiale, toute une série de branches de la sécurité sociale. Et donc, qui sont financées par cotisation. C'est-à-dire que ça finance un pot commun, alors différentes branches, etc., selon différentes activités, auxquelles chacun a ce droit d'accéder. Et avec sa carte vitale, ou avec d'autres cartes, eh bien, tu as le droit. Donc, ta carte vitale, quand tu vas chez le médecin, il ne te demande pas de l'argent. Tu passes ta carte vitale et c'est comme ça que tu payes. Parce qu'il y a eu cette socialisation par la cotisation avant. Voilà. Donc ça, pour avoir un budget, sanctuarisé pour l'alimentation, on se dit, on pourrait faire un système comme ça de cotisation. Et donc, c'est quoi le sens de la socialisation ? C'est en gros une cotisation qui est un taux sur ce qu'on gagne. Et donc, chacun contribue finalement selon ses moyens. Et chacun bénéficie selon ses besoins. C'est sûr, celui, il n'est pas malade, il ne va pas faire. Par contre, là, ce qui est un peu différent dans l'alimentation, c'est que tout le monde mange. Ouais, c'est incroyable, mais c'est vrai. Ça le devient de moins en moins. En France, là, on a passé la barre des 8 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire. 8 millions sur 66 millions, ça commence à faire peur. Donc là, dans le contexte inflationniste, où depuis quasiment 12 mois, on a pris 20% d'augmentation du budget alimentaire, Voilà, et ces 20%-là, ils pèsent beaucoup plus sur les pauvres que sur les riches, tu comprends, hein. Mmh. Je veux dire, quand tu as moins d'argent, plus le budget augmente, plus c'est compliqué. Mmh. Ce qui augmente, ce qui explique une explosion du recours à l'aide alimentaire, on s'attend dans les prochains mois à avoir plus de 10 millions de gens, c'est-à-dire une personne sur 6. Mmh. C'est énorme. Donc voilà, donc en fait, cette question de cotiser et ensuite d'avoir un droit via une carte vitale mais appliquée à l'alimentation, ça permettrait dans les projections qui étaient avant la crise inflationniste. Donc certainement que les montants sont à revoir aussi, je te dis en tenant compte de cette inflation, mais globalement d'avoir par personne, donc je ne sais pas, par exemple, un foyer typique, on va dire, deux adultes et deux enfants, ça fait 4 personnes. Uh-huh. Donc 4 fois 150 euros par mois. Voilà. Donc que tu pourrais aller... Donc ils vont à... alimenter une caisse, quoi, où tout le monde... Alors ça, c'est ce qui sortirait. Ça, c'est ce qui sortirait de la caisse et que chacun pourrait utiliser. Après, la cotisation, ce n'est pas 150 euros par personne. C'est les 150 euros là, dont je te parle. C'est ce que tu pourrais utiliser par mois et par personne pour aller payer de l'alimentation dans des lieux qui, par contre, seraient conventionnés. Et ça, c'est un élément très, très important. Qui n'est pas celui de la cotisation, hein, on a bien compris, la cotisation permettrait d'avoir un montant, aujourd'hui on est sur 150 euros qu'il faudra revoir à la hausse avec la question de l'inflation, mais qui serait utilisable par n'importe qui, que tu sois vieillard, enfant, seul dans le foyer ou une famille nombreuse, enfin, c'est un des multiples, donc par personne, un droit universel, donc c'est très important, c'est la question de ce droit universel, de 150 euros, pour l'instant révisable à la hausse, dans des lieux conventionnés. Et ça, c'est extrêmement important parce que là, on va aborder la question de la démocratie. Et la démocratie, tout à l'heure, je te l'ai abordé dans le fait qu'on dit, en gros, toutes les politiques agricoles et finalement une certaine alimentaire, on les met dans la main des agriculteurs. Quand on sait que les agriculteurs, avec la FNSEA et l'État, ils ont une co-gestion, la question démocratique, c'est là qu'elle intervient. Le retour aux sources, finalement, du régime général de sécurité sociale en 1946 a fait qu'il y avait des caisses locales qui étaient organisées en termes de décision dedans, qu'il y avait 75% des gens dans ces caisses qui décidaient, qui venaient des syndicats, c'est-à-dire des élections professionnelles, et 25% au patron. Il y avait un rapport de force qui était favorable aux travailleurs. Mais les travailleurs sont beaucoup plus représentatifs que les patrons, tu comprends? On est d'accord. On est d'accord. Donc, et puis ça a changé. Et ça a changé. Ouais, c'est toujours la même histoire. Les premières attaques sur la sécurité sociale ont consisté à dire maintenant, c'est le paritarisme. Alors ils ont toujours des mots super intelligents, de dire 50% les patrons, 50% les salariés. Bah, il y a toujours après des syndicats de salariés qui se sont montés et qui ont été plutôt favorables au patronat. Et à partir de là, la décision a échappé aux travailleurs. Mais au départ, les travailleurs avaient le pouvoir sur les caisses. Mmh. Et ces caisses... à l'époque, sur la question de la santé, ont décidé de conventionner la production de soins, de dire voilà comment on va s'organiser, voilà tel soin qu'on va mettre en place, même on va financer les hôpitaux à travers la cotisation, etc. Et ces hôpitaux, ils vont produire des soins conventionnés dans lesquels, quand tu auras ta carte vitale, tu pourras te faire rembourser. Et après, il y a des soins qui ne sont pas conventionnés, et là, ça veut dire quand tu y vas, tu payes de ton argent poche, tu vois, tu peux pas utiliser ta carte vitale. L'alimentation, ce serait la même chose. Donc, c'est-à-dire avec des échelles de territoire encore à définir, qui sont encore en construction et en discussion dans le collectif, de dire sur chaque territoire, il y a une caisse locale de l'alimentation avec une vigilance absolument fondamentale sur qui va exercer cette démocratie. Et donc, est-ce que c'est le tirage au sort? Les modalités sont encore en discussion, mais avec une vigilance particulière pour pas qu'il y ait une instrumentalisation au bénéfice d'intérêts particuliers, mais minoritaires, dans le cadre de ces caisses. Et donc, qu'on soit vraiment représentatif, mais pas forcément en termes d'élections représentatives, ce qu'on a, nous, chez nous, dans notre 5e République. Tu votes tous les 5 ans, puis le reste du temps, circule, il n'y a rien à voir. Non, on ne veut pas ça, nous. Donc, du coup... une vigilance particulière à l'exercice de la démocratie et donc le recrutement des gens qui seront dans ces caisses locales et qui vont conventionner la production, la transformation et la distribution. Et donc là, tu vois, la question de l'industrie, je peux boucler. C'est-à-dire que si tu as une caisse locale qui dit, alors nous, on veut que les abattoirs, par exemple, la fréquence ne soit pas un truc de dingue, que les salariés ils soient traités convenablement, que les troubles musculo-squelettiques, on adapte l'outil en fonction de ça, que du coup, les bêtes, elles aient des conditions d'abattage qui ne soient pas celles qui sont aujourd'hui pour avoir une fréquence et pour rendre compétitif, c'est-à-dire que ça coûte de moins en moins cher d'abattre les bêtes avec les conséquences qu'on voit bien. Je veux dire, si tu avais un conventionnement qui dit, bah, nous, on veut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, ça va coûter plus cher, ok, et on va accepter que les industries, dans ce cas-là, si elles produisent comme ça, elles seront conventionnées. Ça veut dire que ce qui sortira de là pourra être accessible aux mangeurs dans le cadre du conventionnement. Tu veux pas faire comme ça, très bien, tu as le droit d'exister, mais la socialisation et ce droit universel, il ne sera pas possible d'être utilisé dans ce circuit. Et tu comprends que là, on renverse la logique. On n'est plus dans une logique industrielle qui correspond uniquement à des objectifs financiers. On est dans une logique industrielle en termes de massification de la production qui permet de répondre à des enjeux de production de qualité dans l'intérêt des mangeurs, pas dans l'intérêt de financiers. Mais ça coûte de l'argent. Et donc la socialisation permettrait de financer ça en disant on fait l'effort collectivement, mais parce que ça doit être produit de telle manière. Et donc dans ce cas-là, on pourra drainer l'argent qu'on a bien voulu cotiser ensemble pour ça. Les autres, on leur interdit pas d'exister. Mais s'ils ne veulent pas correspondre à ces normes qu'on aura définies, ils ne rentrent pas dans notre marché solvabilisé. Tu comprends? Voilà. Et c'est ça un peu la philosophie de la sécurité sociale de l'alimentation. Et nous, on nous répond souvent, parce que moi, je passe énormément de temps à expliquer ça. Ça va, ça t'aime bien ou bien à la longue bien. Et maintenant, et après, c'est comme tout un chacun, c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Donc, ça fait un petit moment que je marche sur ce terrain-là, donc j'apprends à tenir sur mes jambes à peu près. Mais c'est vrai que souvent, quand on explique ça, on passe sur le grill de « mais non, c'est pas possible, regarde les hôpitaux en ce moment, c'est de la merde, on peut pas faire pareil ». Mais ça n'est que le résultat d'attaques libérales, parce que ce qui s'est mis en place en 1946, faut comprendre que à l'époque, tous les hôpitaux en France, le meilleur système de soins au monde, jusque dans les années encore 90, on peut peut-être dire, mais vraiment au monde, on n'est jamais allé à l'endettement. On a fonctionné par cotisation. On n'est jamais allé sur les marchés financiers. Et donc, on n'a jamais travaillé pour rembourser une dette. On n'a jamais été dans la production de soins dans le secteur inconventionné, dans la nécessité de travailler pour rembourser une dette. C'était dans un système de cotisation et finalement de subvention à travers ces questions de conventionnement et de socialisation par cotisation. Et nous avons produit en un temps record, sans aller à l'endettement, c'est-à-dire en ayant une efficacité maximum du travail, puisque le travail, il était fait que pour faire du soin ou construire l'outil de soin et pas pour rembourser des prêteurs. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, tout le système libéral n'a eu qu'un seul mot d'ordre. Et ils sont très structurés en face pour avoir des stratégies très efficaces. Ils sont tous bien renserrés, bien compacts pour avoir mis en place très progressivement des lois, des coins, et dont le premier a été la reprise de pouvoir par le patronat sur les endroits où ça se décidait, c'était sur les caisses locales. Et je veux bien faire la distinction dans ce système, dans les caisses locales, en termes d'exercice démocratique. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la sociale avec un grand S, et non pas la question de la République en termes de représentation par l'État, par leur représentativité électorale et par finalement ce qu'on pourrait appeler, nous, dans d'autres jargons, les politiciens. Non, c'est les travailleurs, la sociale, le fait que les syndicats de travailleurs, ce soit eux qui soient majoritaires dans les espaces décisionnels qui sont les caisses locales, on est dans une autre forme de démocratie qu'on appelle la sociale. Et c'est ça qu'il faut réinstaurer et c'est ça que le système libéral s'est attaqué à détricoter le plus vite et le plus rapidement possible. Et à partir du moment où ils ont repris le pouvoir de décision, ça a déroulé sur le reste. Là, on arrive à un travers avec le présidentialisme dans le cadre de la Ve République qui est absolument catastrophique. Et je sais que nos amis belges, dans tous les mouvements qu'on a eus sur la réforme des retraites, ils étaient derrière nous et qui comprennent bien l'enjeu que nous, on reste un phare dans la nuit par rapport à cette question de la sociale et justement de notre modèle de sécurité sociale. Il y a un enjeu fort à ce qu'en France, on gagne sur cette question-là. Mais il est forcé de constater que c'est le camp libéral qui détricote. Et aujourd'hui, ce qu'on a comme hôpitaux, mais comme tout service public, n'est que le résultat de ces attaques et n'a rien à voir avec ce qui s'est mis en place en 1946, que nous, on vise. Voilà. Donc, du coup, passer sur le grill, souvent, c'est des gens qui disent « Oui, mais vous parlez de sécurité sociale, mais regardez comment ça marche. Oui, mais ça marche pas. Oui, mais machin, etc. » Donc, voilà. Maintenant, j'arrive à... Enfin, j'espère que j'ai été assez audible sur la question qu'on ne parle pas d'une sécurité sociale telle qu'on la voit aujourd'hui, mais telle qu'elle a été pensée initialement et vraiment elle a fonctionné. Mmh, il faudrait aller faire un peu de la recherche pour voir vraiment de quoi on parle, quoi, pour finir. Alors, bah, c'est-à-dire que nous, dans nos collectifs, au niveau du collectif national pour la sécurité sociale de l'alimentation, il y a des gens qui font ce travail de recherche. Il y a des économistes. Il y a Bernard Friot aussi, hein, qui a fait un énorme boulot. Voilà, Bernard Friot, dans la question de son association qui s'appelle Réseau Salariat, fait de l'éducation populaire autour d'économies politiques qui ne sont pas du tout celles qui sont libérales et qui expliquent bien en quoi il y a un déjà-là révolutionnaire à travers les institutions qu'on a mis en place, notamment le régime général de sécurité sociale, qui sont complètement révolutionnaires par la question de la démocratie, la sociale que j'expliquais, et par la question de la cotisation à travers le cycle cotisation-subvention qui n'a rien à voir avec le système capitaliste du cycle monétaire, enfin bon, du cycle dette, enfin emprunt et remboursement. Quoi. Moi, j'ai bien tout compris. Et souvent, on parle... Ah, génial, on dirait qu'il va pleuvoir, là. C'est demain, l'orage. Mais pour boucler, tu vois, parce que le temps passe, il reste 10 minutes, quoi, en gros. Mais c'est bien comme ça, on fait tout le temps avec toi si on fait 45 minutes, tu vois. On va entendre vraiment ta parole, sinon moi, je dois rajouter du son. Mais donc, on fait une émission avec toi spéciale, quoi. C'est quand on parle d'industrie, c'est comme si, tu vois, écoute, hein, c'est comme si on ne changeait pas toutes les merdes qu'on fait avec cette industrie, mais on met juste des gens bien à l'intérieur, avec des valeurs plus nobles, démocratiques. Il n'y a pas de supérieure hiérarchie qui vient pomper l'argent, la force des travailleurs et tout ça. Ok, moi, je comprends bien. Mais on est quand même dans un système... il faudrait vraiment... Enfin, voilà, c'est deux questions. L'industrie... elle produit de la merde, ça, c'est comme si tu disais, ben, ça, on ne faut pas changer, mais j'ai bien entendu tout ton développement, hein. J'ai bien entendu que dans les nouvelles conditions, ben, on n'aurait plus droit à faire de la merde et à faire des crasses, quoi, en gros, si j'ai bien compris. Et on met des bonnes personnes aux manettes, oui, mais il faudrait vraiment ça va prendre du temps pour arrêter cette idée aussi de toujours accumuler plus pour avoir plus, et même dans le milieu alter, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais on n'a pas le choix de prendre le temps, parce que moi, je sais pas si aujourd'hui, enfin, faut qu'on. Enfin, l'histoire nous enseigne que des révolutions, il y en a eu, elles ont été violentes. Alors là, dans le contexte actuel qu'on parle de violence, enfin, pour le coup, je pense que. Voilà, parce que en fait, les systèmes en place, quand ils ont été bouleversés et renversés, ce qu'on appelle une révolution, ben, ceux qui profitaient du système avant, ils s'y accrochent, quoi. Et c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont les moyens d'être en général. Donc en fait, s'il n'y a pas une violence derrière, c'est compliqué que ça se fasse comme ça rapidement, quoi. Donc nous, on a connu, hein, la Révolution française, on est passé d'une société féodale, avec des privilèges, bon, l'organisation des privilèges, bon, voilà, on ne va pas revenir dessus, à une société bourgeoise qui a fait de la propriété privée la pierre angulaire du nouveau modèle de société et au service du coup d'une bourgeoisie. Et ça, ça a été une révolution. Ça, c'est la Révolution française. Là, il s'agit encore de faire une révolution, mais... Moi, je ne sais pas si aujourd'hui, toi et moi ou nos copains qui voudraient changer rapidement, vu ce qu'on voit, et notamment nous, tu vois, comment on pose des actes, par exemple, à Sainte-Soline, etc., on n'est pas violent, mais la réaction en face est violente. Et donc, on rentre dans des cycles de violence. Moi, je ne suis pas sûr que les gens, quand on parle de révolution et de changement brusque et immédiat, on parle en général de violence, parce que ça veut dire que le système en place va utiliser les moyens d'État, et on le voit, la répression du mouvement social, on en est même à la répression sur le syndicalisme. Enfin, c'est hallucinant. Nous, on va passer en procès CGT... En Belgique aussi, c'est comme ça. Hein. Voilà. Oui, bon, bah, tu vois bien que le pouvoir, il sent que ça change, et donc il veut pas. Donc il se rédit, Il sort les moyens d'État. Mais si on voulait aller encore plus vite, bah, faudrait s'opposer encore plus fortement. Donc on rentre dans un cycle de violence. Mmh. Moi, je veux bien. Mais moi, demain, je vais pas aller chercher, je sais pas quoi, un fusil, j'en ai pas. Je vais pas aller tirer sur les flics. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, ouais, quoi. Ouais. Donc à un moment donné, oui, il y a une notion d'urgence et on est placé dans une situation d'urgence et oui, on l'a subi. On peut pas y échapper à la violence. Si on veut changer, oui, il va y avoir violence. Il faut pouvoir se projeter. Et aujourd'hui, souvent, on est dans des combats contre. Elle est où l'alternative? Elle est où la piste de sortie, quoi? Enfin, tu vois, la voie de sortie. Tu vois, par exemple, les bassines, on dit on est anti-bassines. Ok, très bien. Ok, on est anti-bassines, on ne veut plus d'un système de gestion de l'eau comme ça. Mais qu'est-ce qu'on veut à la place? Et là, en disant, avec la sécurité sociale et l'alimentation, c'est un combat pour. Alors oui, le combat pour, c'est pas parce qu'on a décidé, enfin en tout cas, qu'on serait capable de mettre en place, un véhicule législatif qui permette d'instaurer dans le cadre de nos institutions une sécurité sociale, pour peu qu'elle ait été bien définie, ce qui est loin d'être le cas encore. Oui. Mais de toute façon, ils ne vous laisseront pas faire, quoi. Ah c'est simple. Donc, on est bien dans un temps long. Et je suis désolé de dire ça, que si on ne se donne pas des perspectives qui ne correspondent pas dans l'urgence à un changement radical et immédiat, ceux qui veulent ça et qui ont la clé, allez-y, donnez-la nous. Mais moi, on ne l'a pas, quoi. On ne l'a pas. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On se situe dans une perspective, de proposer une perspective, d'être dans une proposition pour. C'est bien aussi. Fin... Et donc, qu'il fasse que, effectivement, ça agrège de plus en plus de gens. Et aujourd'hui... je ne sais pas, pour donner un exemple, mais la proposition politique la plus plébiscitée en France, c'est la sécurité sociale et l'alimentation. Le réseau des centres sociaux en France, qui a fait son congrès, qui fixe sa politique pour les 10 années à venir, les centres sociaux en France, c'est énorme. Hein. On parle de milliers de maisons de quartier, d'associations, etc., qui font du travail social sur le terrain et qui ont une fédération nationale. Bon, j'ai été invité à la plénière pour parler de la sécurité sociale et l'alimentation. Pourquoi? Parce que de partout, la question alimentaire, elle remonte. Et donc aujourd'hui, la question de l'alimentation devient un enjeu absolument majeur de problématiques à répondre dans l'urgence, mais c'est un outil de politisation. Et donc nous, à chaque fois qu'on pose la question de la sécurité sociale et qu'on fait ce travail d'argumentation et d'explication, on rentre dans des cycles qui politisent les gens et qui font qu'on construit le rapport de force pour avoir peut-être des marges de manœuvre sans qu'on passe par les armes, qu'on passe par un système aujourd'hui qui est électoral, c'est-à-dire... sans violence. C'est ce qu'on espère, hein. C'est ce qu'on espère. Mais nous, on n'espère pas, on le fait. Et en fait, juste, c'est qu'on dit que ben, on commence maintenant. Et tu vois, j'ai pris la parole hier devant le tribunal de Tours pour la Confédération paysanne par rapport à des collègues des dernières rénovations, le convoi de l'eau arrivé. Et c'était les collègues des dernières rénovations qui passaient au tribunal pour une action. Bon, ben, le convoi de l'eau répond à ça aussi, dans les nouvelles méthodes d'organisation, dans l'autogestion, dans fini le verticalisme, l'autogestion, l'horizontalité. On sait faire, on organise des mouvements énormes en termes de logistique, en termes de sécurité. Quoi qu'en disent tous les détracteurs autour, on est en train de mailler et de mettre en place des nouvelles formes d'organisation et de structuration qui correspondent aux enjeux de maintenant. Et mon intervention, c'était... Nous, on construit le futur désirable, c'est ici et maintenant, c'est pas demain ou après-demain, c'est ici et maintenant, déjà dans ce qu'on fait, quoi. Donc le convoi de l'eau, ça c'est une chose, mais notre futur désirable qui arrivera, ben, on espère le plus tôt possible, il est dans un ici et maintenant sur le travail sur la sécurité sociale et l'alimentation. Sans pour autant prétendre que ce futur désirable, il va arriver demain, mais il faut commencer quelque part. Et on ne peut pas dire oui, mais il y a une urgence, oui, mais il y a une urgence. Moi, franchement, je ne dis pas que c'est ce que tu dis. Je ne dis pas que c'est ce que tu dis. Mais moi, j'ai envie de répondre aux gens qui pensent ça, que quand on est enfermé dans une logique d'urgence, et ben finalement, et qu'on se pose toujours la question oui, mais ça ne va pas répondre tout de suite, ça ne va pas répondre tout de suite, et ben on reporte, on attend, et on n'est pas dans le ici et maintenant. Et nous, on est dans le ici et le maintenant, en faisant ce travail, en portant cette parole partout, en diffusant, et surtout, cette question-là, une repolitisation. Voilà, c'est ça qui est génial, c'est ça que j'ai eu envie de te rencontrer pour en parler. Et on m'a dit que tu en parlais très bien, tu connaissais bien le sujet. Attends que je m'égare. Parce que j'ai pas besoin d'être flatté. Non, mais on entend bien que tu connais bien le sujet, tu vois. Et c'est intéressant d'avoir ce temps long, tu vois, d'avoir une idée, pas simplement qu'elle est comme ça en l'air. Voilà, il y a un développement, vous avez réfléchi, tu vois, c'est même créatif par rapport à ce gros système qui impose, comme s'il y avait une manière, tu vois, de voir le monde ou de consommer ou vous amener ça c'est super quand même, tu vois. Après. Moi, je dis, et c'est ce que vous avez critiqué aussi, si ça fait... Mais moi, j'espère évidemment que ça prendra de l'ampleur, cette idée, tu vois. Mais le pouvoir, il ne vous laissera pas faire si ça prend de l'ampleur. Égale violence, tu comprends ? Mais bien sûr, et c'est, tu vois, on essaie d'y répondre. Et par exemple, le convoi de l'eau qu'on organise, qui n'est pas spécifiquement pour revendiquer une sécurité sociale de l'alimentation, mais tous les gens qui sont derrière... Ils ont un peu en tête cette idée, quoi, hein, parce que c'est une perspective d'avenir, vraiment, et pour. Donc, je veux dire, je sais pas, là, tu peux peut-être aller faire un micro-trottoir dans les gens. Je pense qu'il y aura un nombre assez intéressant de gens qui connaissent cette proposition. D'ailleurs, dans le convoi de l'eau, la seule ferme qui a accueilli le convoi de l'eau, c'était chez nous, en Touraine. On a parlé de ça, de la sécurité sociale et de l'alimentation, parce que les fermes, et nous, ce qu'on expérimente sur le terrain, ça construit ça, voilà. Par exemple la question des AMAP, la démocratie, la socialisation dans les AMAP intégrales, etc. Bon, après, il est question d'étendre. Et là, effectivement, étendre, ça veut dire tant qu'on est bien gentil et qu'on reste dans notre niche et qu'à la limite, on cautionne le système dominant en disant les gens ont le choix. Non, nous, on ne veut pas que les gens aient le choix. On veut que tous ceux qui le veuillent le puissent, le choix financier, alors qu'en fait, ils n'ont pas financièrement le choix. Là, évidemment, qu'on se heurte à la violence d'État qui ne veut pas nous laisser faire. Et là, le convoi de l'eau, par exemple, le cortège qu'on fait, le tracto-vélo, d'une manière non violente, après avoir été dans un cycle de violence à Sainte-Soline, ben là, on est en train de le désamorcer. On fait une autre action qui répond à cette question-là. On est pacifique, on ouvre le dialogue. Par contre, on a une radicalité, c'est que, du coup... on demande pas les autorisations, on y va, quoi. Donc ça, c'est aussi une forme de, tu vois, de radicalité, mais on sait faire des actions qui exposent à de la violence et d'autres qui l'exposent moins. Donc c'est pas vraiment de la violence de cuter bâche avec de la flotte dedans, alors que t'as demandé plusieurs fois que, enfin, tu vois. Oui, mais ce mode d'action là qui visait à aller investir un lieu privé, etc. Du coup, je t'ai parlé de la propriété privée, ça c'est la sacralisation du truc. Et ben là-dessus, l'État a créé une situation dans laquelle la violence s'est refermée sur nous. Là, le cortège, il n'y a aucune dégradation, on fait juste que passer dans l'espace public. Bon ben voilà, il n'y aura pas de violence, parce que ce n'est pas possible qu'il y ait de la violence. Mmh. Par contre, on ne va pas attendre toutes les autorisations. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on le fait. Dans une organisation, dans une autogestion, d'ailleurs, que je tiens à dire sur vos ondes, c'est que tous les services de police et de gendarmerie qui suivent le cortège, ils nous disent, ils nous félicitent pour l'organisation. Ils ne s'y attendaient pas, une organisation comme ça. Donc, je veux dire, à un moment, le peuple, il sait s'organiser, il n'a rien à attendre d'en haut, juste qu'on le laisse faire, quoi. Et donc, nous, on ne va pas nous demander l'autorisation de faire. Mais par contre, des fois, sur certaines actions, eh bien, on peut être dans une logique où l'État... maîtrise une situation qui bascule dans la violence et qui la provoque. Ça dépend des objectifs qu'on a. Donc là, les objectifs d'aller investir une bassine, etc., voilà, comme je t'expliquais, propriété privée, machin, nan, difficile. Bon, mais c'est pas grave, faut l'assumer quand même. Après, l'État, ce qu'il a fait, ça le sert pas non plus, parce qu'il est quand même... il passe sur le grill, hein. Il y a l'ONU, la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, les soulèvements de la terre, le Conseil d'État a suspendu le référé, donc ils sont à nouveau autorisés tant que le jugement n'a pas eu lieu sur le fond. Donc je veux dire, à un moment, l'État... Tu vois, il recule là. Et d'ailleurs, un petit coup. Ok. Ça fait plaisir. Enfin, ça donne un peu de force. Mais qui c'est une montagne devant. Hein. C'est un rapport de force qui s'installe. Ouais. Et je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un début, quoi. Ouais. Et ce début, on l'attend depuis tellement longtemps. Et c'est comme je te dis, il faut commencer. On a commencé dans le cadre des soulèvements et la Confédération paysanne est très proche. De ce genre d'organisation. Quasiment tout ce qui s'organise, c'est en lien avec nous et en coordination. Bon, voilà, c'est pas les mêmes modes d'action, etc. Mmh. Donc, on est en train d'écrire une page ensemble de l'histoire en acquérant une culture commune. C'est pas facile, mais on est en train de le faire. Et c'est ça que je te dis, c'est pas demain ou après-demain, c'est ici et maintenant. Voilà. Mmh. Bon, on commence. Et tu sais, il n'y a pas de messie, hein. Tu fais, puis tu vois ce qui se passe, puis tu réagis, et puis voilà. Et nous, on fait ça sur nos fermes constamment, quoi, en toute responsabilité. Voilà, moi j'ai juste envie de dire ça, et que ce mouvement qu'on a amorcé en France, il est regardé du monde entier. Nous, on est mouvement ici, des soulèvements, oui, des bassines, non merci. Il est regardé du monde entier. Je veux dire, à Mel, donc le 25 mars, la veille au soir, à Mel, qui avait accueilli le camp de base, et qui, parce qu'une commune avait dit oui, ok, faites-le. Nous, on a accueilli des représentants de paysannes et de paysans, et même des peuples autochtones. Bon, je ne vais pas développer ce que c'est qu'un peuple autochtone ici, mais qui savent bien ce que c'est que les rapports de domination, puisque bon, c'est quand même des génocides, à la fois culturels mais humains. Ces gens-là sont venus témoigner et ils nous disent « Allez-y, vous êtes un phare dans la nuit, quoi. Allez-y, donnez-nous de l'espoir, quoi. » Donc je veux dire, et nous on fait partie à la Confédération paysanne de la Via Campesina, qui est ce syndicat international. Et il y a 7% des agriculteurs dans le monde qui ont un tracteur. Ils sont vraiment pas beaucoup en proportion dans les pays où l'agro-industrie, oui, je sais pas, tu parles de l'Argentine, du Brésil, il y a vraiment des trucs de ouf, mais la plupart des agriculteurs et tout là-bas, c'est des questions, ils sont vivriers, ils sont paysans, quoi. Ces gens-là, ils sont pas mécanisés, etc. Donc quand on parle, tu vois, je veux dire, nous on fait partie et on est partie intégrante de ce syndicat international, et donc on a aussi une vision internationaliste. On pense à nos frères et sœurs qui sont dans notre pays, et il y a pas longtemps, à notre avant-dernier congrès qui était le congrès de Velane, pas celui cette année, il y a 3 ans, on a eu la cérémonie d'investiture de la délégation de la Via Campesina qui tourne tous les 8 ans, qui partent dans différents endroits du monde. Et nous, on reprend en Europe, dans le siège de la Confédération paysanne, les locaux de la Via Campesina pour le... Alors maintenant, il y a encore 5 ans, puisque ça fait 3 ans. Et donc, si tu veux, ils nous regardent. Et nous, cette proposition de sécurité sociale et alimentation, il y a beaucoup de gens qui regardent ça, quoi. Beaucoup de gens. Et quand je dis beaucoup de gens, c'est à l'échelle de la planète, quoi. Donc, je veux dire, on se sent aussi en responsabilité vis-à-vis de nos frères et sœurs de poursuivre la lutte, quoi. Et ce qu'on fait aujourd'hui dans le convoi de l'eau, c'est une manière de politiser les gens à travers la question de l'eau et aussi la question de l'alimentation derrière, la politisation et donc la perspective qu'on pourrait avoir, celle de la sécurité sociale, de l'alimentation. Tout ça se tient. Merci Romain, tout ça se tient. Ben oui, il va falloir remonter sur les tracteurs pour continuer le convoi, la pause est finie. Ça va, c'est... Hein? Ça va, nous on va quitter ce soir, il faut qu'on retourne sur la ferme faire les récoltes de miel. Là, ça fait 15 jours qu'on est quasiment à temps plein sur ce convoi de l'eau pour la préparation et tout. Donc on va passer notre tour, on va retourner travailler sur notre ferme. Mmh. En espérant que tout se passe bien, que l'agence de l'eau à Orléans nous accueille, qu'il y ait un discours... constructif qui puisse s'établir, de rouvrir des discussions pour d'autres modalités de gestion démocratique de l'eau, qui est plus d'intérêt qui soit représenté dans les prises de décision. Merci Romain. À bientôt. Ouais.